Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le sommet des chefs d'État de l'EAC s'est clôturé sur une vive recommandation au médiateur Mkapa de réunir d'urgence tous les protagonistes dans la crise burundaise. Et pour Frédéric Mambouguignou-Vira, président du parti Sawanya Frodebou, la balle revient dans le camp des Burundais eux-mêmes et non dans la médiation ou dans les sommets des chefs d'État. Et puis, ces 6 personnes ont été arrêtées ce jeudi au village 4 de la commune Guihanga en province de Bouvanza et 5 autres sont en cavale. Selon des sources policières, elles sont accusées d'avoir détruit les étages d'élevage de poissons et de les avoir vendus. Et Isanganiro Awards pour la promotion de la musique burundaise. C'est demain la finale. Ça n'a pas été facile d'organiser cette 5e édition, nous dira le directeur de notre station. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'étaient réunis hier à Dar es Salaam ont approuvé le rapport qui a été présenté par Benjamin Mkapa, médiateur dans les négociations interburundaises. Entre autres points qui ont été étudiés figure l'accord de partenariat entre la communauté est-africaine et l'Union européenne. Cet accord a été approuvé par le Rwanda et le Kenya. Le Burundi a rejeté ce partenariat sous prétexte que l'Union européenne a pris des sanctions contre ce pays. Quant à la Tanzanie et l'Ouganda, ils ont préféré continuer à y réfléchir et un délai de 3 mois a été donné pour que cette question soit clarifiée. Le sommet a été une occasion d'accueillir le Sud-Soudan comme nouveau membre de la communauté et le Rwandais Christophe Walivamo a été nommé comme secrétaire général adjoint de la communauté est-africaine. Sur la question de la crise actuelle au Burundi précisément, les chefs d'État de la communauté est-africaine ont vivement recommandé au médiateur Mkapa de réunir d'urgence tous les protagonistes dans cette crise et de s'assurer que tout le monde est là. Entre-temps, Frédéric Mambouguignou-Vira réagit sur la tenue de ce sommet en estimant que les Burundais eux-mêmes doivent se mettre d'accord pour trouver la solution à la crise burundaise, sans toutefois compter beaucoup sur les sommets des chefs d'État ou la médiation régionale. Je le disais, cet avis est du président du parti Sawanya Frodebou, Frédéric Mambouguignou-Vira, après le sommet de Dar es Salaam ce jeudi où la question de la crise burundaise était sur table. L'essentiel pour lui, c'est de faire avancer l'essentiel pour faire avancer le dialogue inter-burundais. C'est la volonté de négocier, ajoute-t-il. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Placide Niyomwongere. La communauté internationale, africaine que ça puisse être, si vous ne voulez pas prendre conscience de vos problèmes et que si vous ne cherchez pas à vous mettre ensemble pour résoudre vos problèmes, ils pourront intervenir s'ils ne le pourront pas, même de bonne foi. Les Burundais eux-mêmes, ils doivent se mettre d'accord pour trouver ensemble une solution. S'il n'y a pas cette conscience-là, nous continuerons à être exploités par un groupe d'hommes jusqu'à la fin où finalement on risque de disparaître de la carte de l'Afrique, de la carte du Burundi, de la carte d'ailleurs. Je crois que c'est cela qui devait nous préoccuper aujourd'hui si nous voulons vraiment avancer. C'est créer la conscience de tout Burundi. Mettons-nous ensemble, c'est l'unique et premier pas qu'il faut avoir. Mais vous êtes à l'extérieur, il y a aussi une bande qui est au Burundi. Concrètement, comment vous allez vous rencontrer? Si on veut s'organiser, ce n'est pas cela qui manquerait. L'Israël est rentré chez lui, cependant ils étaient à l'extérieur. Il y en avait qui étaient à l'extérieur, il y en avait qui étaient à l'intérieur, et ils collaboraient. Ils cherchaient justement comment résoudre le problème. Et ils ont résolu le problème. Ils continuent à le résoudre. Même aujourd'hui, les Burundais devront prendre conscience et surtout être courageux pour chercher comment travailler ensemble avec ceux qui sont à l'extérieur, avec ceux qui sont à l'intérieur et chercher à trouver des solutions. Frédéric Mambouguignou-Vira et l'ONG locale Parsem se dit satisfaite de la décision des pays de la communauté est-africaine de ne pas signer l'accord de partenariat en matière de commerce entre la communauté et l'Union européenne. Faustin Dikoumana, président de Parsem, estime qu'il faut d'abord bien analyser cet accord qui, à l'état actuel, semble beaucoup plus favoriser l'Union européenne que l'EAC. Suivez Faustin Dikoumana. D'abord, ce partenaire rentre dans le cadre des relations ACP-Union européenne, surtout l'aspect commercial. C'est les relations commerciales qui doivent être développées pour enlever les barrières douanières entre le commerce des pays ACP et des pays de l'Union européenne. Mais les pays africains avaient souhaité se constituer en bloc pour avoir un pouvoir de négociation avec l'Union européenne, parce que c'est une entité économique très puissante au niveau même commercial. Au niveau de l'East African Community, nous, au niveau même de la société civile ou les gens qui suivions l'avancée de ces négociations, on disait qu'il fallait être prudent parce que le commerce entre l'Union européenne et l'East African Community, ne tenant pas compte de la capacité de nos pays à exporter en Europe, tenant compte de la rigueur de contrôle qui frappe nos produits quand ils arrivent en Europe, tenant compte d'une contrepartie de l'aide substantielle de ces pays développés pour améliorer la qualité des infrastructures dans nos pays, il fallait pouvoir négocier d'une manière minutieuse cet accord pour l'intérêt respectif de nos pays. Pour le Burundi, lui qui ne bénéficie plus entièrement de l'appui de l'Union européenne, c'est encore plus grave parce que c'est à cause de l'Union européenne qui permettait à renforcer les infrastructures, permettant même à l'amélioration de la production exportable. Ce qui a été intéressant, c'est que les pays sont restés solidaires. Faustin Ndikoumana, président de l'organisation PARSEM. 6 personnes ont été arrêtées ce jeudi au village 4 de la commune Guihanga en province de Bubanza et 5 autres sont en cavale jusqu'à présent. Selon des sources policières, elles sont accusées d'avoir détruit les étangs d'élevage de poissons et de les avoir vendus. De leur côté, certains d'entre eux étant membres de l'association ayant mis en place cet élevage de poissons, ils indiquent qu'ils ont vendu leurs poissons et qu'ils ne sont pas du tout coupables. Les détails avec Space Caritas Cavagnana. C'est ce jeudi matin que les membres de l'association ADK qui a mis en place les étangs piscicoles ont constaté que certains étangs étaient presque vides. Les poissons y avaient été retirés. Les enquêtes ont été vite faites. 6 personnes, dont 5 hommes et une femme de la même association, ont été arrêtées et conduites au cachot de police judiciaire à Guihanga. 5 autres restent introuvables jusqu'à présent selon des sources policières. Les témoins sur place au village 4 où ont été installés ces étangs piscicoles nous ont appris que ça faisait quelques jours que des malentendus ont surgi dans cette association et que certains membres avaient demandé de retirer leur part bien qu'aucun consensus n'était pas encore trouvé. Certains de ces détenus rejettent en bloc toutes ces accusations et parlent d'un pur montage, tandis que d'autres disent qu'ils ont seulement pris les poissons qui étaient déjà morts. Nous avons cherché le président de cette association, mais sans succès, nous avons appris par après qu'il était en réunion. Spécialitas Kavanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Merci SPS. L'adjoint du chef de colonie Guihoza en commune Mwakiro est au cachot de la commune Mwakiro depuis le début de cette semaine. Pour ses proches, cet élu est injustement détenu pour avoir demandé des éclaircissements sur les contributions exigées aux administrés ces jours. L'administrateur de cette commune l'accuse plutôt de désinformer l'opinion sur la contribution de 500 francs burundais destinée à la construction du stade de Muyinga, d'où nous appelons notre correspondant Dieudonné Nzeyimana. Depuis le début de cette semaine, François Karolero, agent du chef de colonie Guihoza commune Mwakiro, est au cachot de cette commune. À l'origine de cette détention qualifiée d'injuste par certains de ses proches, la volonté de cet élu de trouver des éclaircissements sur la destination d'une contribution de 500 francs par ménage. Côté administration, cet argent en cours de collecte sera utilisé pour parachever la construction du stade de Muyinga. Pas de quittance, le ménage contribuable est inscrit dans un cahier avec des sceaux de la province. Source de vérification quant à la traçabilité de cette contribution. Pour Sylvie Mouhimoundou, administrateur de la commune Mwakiro, le lit collinaire en question est détenu pour le redresser. Au lieu de motiver les administrés à s'acquitter volontairement de leurs contributions pour l'intérêt général, cet lit incitait plutôt la population à ne pas payer, façon de saboter les efforts d'une administration qui les sert, d'après l'administrateur. Certains des habitants confondent cette contribution avec celle demandée par le parti CNDD-FDD. Pas d'amalgame. Pour l'instant, seule la contribution pour le stade est en cours de collecte. C'est du parti au pouvoir a été juste annoncé aux concernés, précise l'administrateur de la commune Mwakiro. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, un groupe de personnes armées de fusils ont attaqué un bistrot Siza Kinani sur la colline Gakongo, en commune Burambi de la province Rumonge. C'était vers 20h30 de ce jeudi. Des sources sur place indiquent qu'un employé de ce bistrot qui rentrait de son dîner était visé mais a pu échapper de justesse. Les présumés bandits se sont volatilisés dans la nature sans rien voler, l'intervention policière ayant été rapide selon les mêmes sources. Et 3 personnes parmi les 7 qui étaient retenues au cachot de la police de Mugamba en province de Bururi depuis l'après-midi de ce mercredi ont été transférées au cachot du service national de renseignement à Bujumbura le soir de ce jeudi. Les sources sur place à Mugamba indiquent qu'il s'agit du propriétaire du du bistrot de Nyamugari, d'un jeune qui étanchait sa soif avec des présumés rebelles, et un homme accusé d'avoir alerté ces présumés rebelles pour qu'ils prennent le large des informations confirmées par la police. Et la Croix-Rouge du Burundi appelle les habitants de la province Ngozi à secourir les personnes en danger par le biais de l'appel sur le numéro 109, une ligne verte de la Croix-Rouge. Le coordinateur de ce projet le dit après que deux maisons aient pris feu ces derniers jours, emportant des vies humaines et bon nombre d'objets. Apollinaire Muzagara. Le cas le plus récent de ces maisons qui brûlent est celui de ce mercredi au quartier de Bouillet du chef-lieu de la province Ngozi. Là, une maison et tout son contenu ont été réduits en cendres à l'origine de cet incendie en court-circuit selon la police de la protection civile. La veille, une autre maison, mise à la colline Rukongwe en commune Tangara, a entièrement brûlé, emportant deux enfants respectivement de 2 et 5. Dans une réunion de sensibilisation de la population à des secours rapides, Salvatore Nizigimana, responsable du projet Hotline à la Croix-Rouge du Burundi, appelle les habitants de Ngozi, de la sous-colline jusqu'à l'échelon supérieur, d'utiliser la ligne verte en composant le numéro 109. Ce responsable indique que son numéro vert est gratuit et est en service 24 heures sur 24 heures. Ce service de secours ne concerne pas seulement les accidents, il vise aussi tout acte tendant à la violation des droits humains, a-t-il souligné. Vous saurez que pour être à la hauteur de ces secours, la Croix-Rouge du Burundi a fait des engagements avec les ONG OCHA, Caritas, OIM ainsi que World Vision. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et 31 chèvres sont déjà mordues par des chiens errants sur toutes les collines de la zone Ramba en commune Kabezi de la province Bujumbura depuis juillet de cette année. Le chef de zone Ramba qui donne cette information fait aussi savoir qu'une personne de la colline Kirimba a elle aussi été mordue par ces chiens. Cette autorité lance un appel à la population de chercher ces chiens dans leurs caches et de les tuer. Il est 13h08 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Éducation à présent, des lacunes s'observent dans la mesure prise par le gouvernement empêchant les enfants de la 9e et de la 10e année qui n'ont pas eu la chance de réussir au concours national de reprendre l'année. Ces décisions peuvent avoir un impact négatif sur lorsque ces enfants ne sont pas bien encadrés. Dans un communiqué de presse sorti ce vendredi par le Conseil national pour le développement des jeunes chômeurs et producteurs, Eric Ndikumana, représentant légal de ce conseil, demande au gouvernement de revoir cette mesure afin que ses enfants aient une occupation utile. Suivez Eric Ndikumana. Les lacunes ne manquent. Par exemple, on dit que ces enfants qui n'ont pas pu réussir au concours n'auront pas droit de redoubler l'année. Alors, on les force d'aller dans l'enseignement des métiers. Nous voyons que ces écoles d'enseignement des métiers ne sont pas construites jusqu'à aujourd'hui. Elles sont en cours de construction. Les conséquences du désœuvrement sont nombreuses. Pour les enfants de genre féminin, ils peuvent se marier très tôt. Alors, ces mariages précoces peuvent aussi engendrer des conséquences comme la croissance démographique. Pour les garçons, ces garçons peuvent aussi se lancer dans les mauvais actes comme la consommation d'alcool. Lorsque on consomme l'alcool, on est capable de faire tous les mauvais actes. Nous demandons au gouvernement de donner la chance à ces enfants afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes le chemin à suivre, soit redoubler l'année, soit se lancer dans l'enseignement des métiers. C'était Eric Ndikumana, c'est le représentant légal du Conseil national pour le développement des jeunes chômeurs et producteurs. Certaines filles éprouvent des difficultés de suivre les études à cause du manque de moyens pour se procurer des serviettes hygiéniques nécessaires pendant la période des menstruations. La directrice de l'Association pour la promotion de la santé communautaire pour le développement SACODE a distribué ce jeudi des serviettes lavables et réutilisables à 500 lycéennes et collégiennes de Gatumba. Grâce Françoise Niyonzima conseille aux jeunes filles de ne pas avoir honte de leur état. Les détails avec Alain Désiré Oukayenez. La coutume burundaise ne facilite pas les jeunes filles pour savoir le comportement à adopter pendant la période des menstruations. Certaines ne le savent pas, d'autres le savent, mais n'ont pas de moyens pour se procurer des tissus hygiéniques adéquats. L'association pour la promotion de la santé communautaire pour le développement SACODE a confectionné une serviette lavable et réutilisable. 500 jeunes filles de la zone Gatumba ont bénéficié ce jeudi de ces serviettes en vue de leur faciliter de suivre les études, grâce à Françoise Nivizi. Premièrement, nous savons que les filles, surtout du milieu rural, n'ont pas la capacité d'acheter du cotex. Une fille qui ne peut pas avoir le cotex, elle ne peut pas aller à l'école. Nous avons eu des témoignages des filles qui nous disent que pendant leur période de règles, qu'elles ratent les cours, elles ratent les examens et à la fin, elles abandonnent. Nous voulons que les filles aient ces serviettes. Ce sont des serviettes qui sont lavables, qui sont donc réutilisables. Anita Naïcha qui a dit qu'elle a eu des difficultés pour savoir le comportement à adopter pendant ses premières règles. Maintenant qu'elle a cette serviette, elle se sent bien à l'aise. Au début, ce n'était pas facile parce que je ne savais pas quoi faire. Quand cela m'est arrivé, je voyais du sang et je ne savais pas quoi utiliser. Ensuite, j'ai demandé à ma grande sœur comment me prendre en période de règles par le biais d'une petite lettre parce que j'avais honte. Elle m'a dit d'utiliser un tissu, mais ce n'était pas facile, parce que si j'allais à l'école pendant la période des règles, je ne pouvais pas tenir jusqu'à la fin. Aziza Kwizera savait le comportement à adopter, mais n'avait pas de moyens pour acheter les tissus adéquats. Quand j'étais à la maison, j'utilisais des tissus hygiéniques au moment où je n'avais pas d'argent pour acheter le cotex. Ça me provoquait des infections, les taches sur le jupe. J'éprouvais des difficultés pour rentrer à la maison avec les autres élèves. Au moment des infections, les voisins m'ont conseillé d'utiliser l'huile de palme pour l'entretien. Pour le moment, ils nous ont donné des tissus hygiéniques. Je parviens à résister jusqu'à 13 heures l'heure de rentrée. La directrice de la SACODE conseille aux jeunes filles de laver les tissus qu'elles utilisent pendant la période de menstruation pour le bien-être de leur bonne santé. Merci Alain Désiré. On parle musique maintenant et ce sera pour boucler ce journal. La promotion de la musique burundaise est une priorité pour Isanganiro Award. Et cela est dit par le directeur AI de la radio Isanganiro, Samson Maniradukunda, qui fait savoir que ça n'a pas été facile de préparer cette compétition parce que le pays traverse des moments difficiles. Il promet que ce n'est pas la dernière édition pour continuer à promouvoir les artistes burundais. Alida Ndayikeza. Isanganiro Award. La compétition Isanganiro Awards prime le meilleur musicien qui a pu convaincre les mélomanes par le texte contenu dans ses chansons. Les préparatifs de cette compétition n'ont pas été faciles, comme le fait savoir Samson Maniradukunda, directeur de la radio Isanganiro. C'était un travail difficile parce que la crise qu'a connue le pays a touché les médias, a touché les entreprises, a touché les musiciens. C'est vraiment dans un contexte très difficile, mais quand même, la radio Isanganiro s'est donnée pour qu'il y ait continuité de cette activité, vu l'importance que l'Isanganiro a apportée aux musiciens burundais, surtout dans la valorisation de l'image de la chanson et de l'artiste burundais. L'étape déjà franchie par la musique burundaise pousse la radio Isanganiro à continuer à organiser cette compétition, selon le directeur de cette radio. La radio Isanganiro ne peut pas arrêter cette compétition, vu l'impact qu'a apporté aux musiciens d'abord, mais aussi à la chanson parce que ça a développé les talents de pas mal d'artistes. C'est une opportunité aussi pour la radio Isanganiro de valoriser les valeurs positives. On vous rappelle que 4 compétitions ont déjà été organisées et la 5e est pour ce 10 septembre à la Coast Beach à 14h. Merci Alida, le rendez-vous est pris. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le présenter. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.